de mars de 10h à 16h chez Musique Richard Gendreau au 634 boulevard Charest. Détails sur musiquerichard.com ou sur notre page Facebook. Cette semaine au cinéma Le Clap, voyez... Angélique, Avant l'hiver, Le coq de Saint-Victor, Dallas Buyers Club, Divergence, Ennemi, Esclave pendant 12 ans, Les garçons et Guillaume à table, La grande Bellezza, J'espère que tu vas bien, deux, Maïna, Miraculum, Miron, un homme revenu d'en dehors du monde, Philomena, Quai d'Orsay, Saveur indienne. Consultez l'horaire complet sur leclap.ca. Le Clap, le cinéma d'ici, d'ailleurs et bien plus. Bonjour, bienvenue à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Nous sommes samedi le 22 mars 2014. C'est votre animatrice Michèle Monette au micro. Et voilà, c'est le début de la chanson du Grain de Sable. Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Une bonne fois, je vais vous donner le titre de cette chanson. C'est une chanson traditionnelle d'un pays des Balkans dont j'oublie complètement le nom. Donc, je vous disais, c'est Michèle Monette au micro. Je suis votre animatrice pour aujourd'hui. Le Grain de Sable, c'est de la musique engagée. C'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci est réalisé par le collectif radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne Attaque Québec. Cette semaine, je m'entretiens dans la première demi-heure avec Ruth Rose. On va parler de système de retraite et surtout de solidarité intergénérationnelle. En deuxième partie d'émission, c'est Monsieur Philippe Blackburn avec qui je vais avoir un entretien sur l'aide humanitaire. Il se pose certaines questions sur l'aide humanitaire. On va voir ça avec lui. Tout ceci est présenté après la pièce qui suit. Ça pour rien. Tu regarderais quand il passe pas. Nous sommes de retour. Bonjour, je suis avec Mme Rose au bout du fil. Bonjour, Mme Rose. Mme Rose? Oui, bonjour. Je vous attends en peine. Ah, vous m'attendez à peine. C'est deux choses qui arrivent parfois. Est-ce que ça va mieux comme ça? Pas beaucoup. Bon. Écoutez, on va y aller quand même. Je lis sur le site de l'Ordre national du Québec que vous avez enseigné les sciences économiques à l'Université du Québec à Montréal pendant 35 ans. Vous avez eu de multiples domaines d'intérêt, comprenant l'économie du travail, la sécurité du revenu, la théorie post-keynésienne, l'économie du Québec et la relation entre les femmes et l'économie. Mais là, aujourd'hui, on va parler d'un article que vous avez publié dans la revue Relations, dans le cadre d'un dossier, un très bon dossier en passant sur la retraite. C'est dans le dernier numéro de la revue Relations. L'article que vous avez signé s'intitule « Revenir à la solidarité intergénérationnelle ». Il est beaucoup question d'équité intergénérationnelle dans le débat sur les régimes de retraite et beaucoup moins de solidarité intergénérationnelle. Peut-être dans un premier temps, il serait intéressant de nous expliquer ce que c'est que l'équité intergénérationnelle. La notion d'équité intergénérationnelle, c'est que on donne la part de chaque groupe en fonction de ses besoins à différentes étapes de la vie. C'est-à-dire que on parle souvent de l'équité intergénérationnelle dans le contexte des régimes de retraite, mais aussi il faut le voir dans le contexte de l'ensemble des programmes sociaux. En d'autres mots, il y a des personnes plus âgées qui payent les services de garde et les congés parentaux aux plus jeunes. Alors, c'est normal que les jeunes aident aussi à payer les services de santé et les pensions pour les personnes âgées. Il faut dire que quand nous avons créé le régime de rente du Québec en 1965, et d'ailleurs, c'est aussi à cette époque-là qu'on a créé la plupart des régimes de retraite à prestations déterminées dans les entreprises privées ou dans le secteur public. On a décidé de le financer par répartition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au début du régime, il y avait beaucoup de gens qui étaient déjà proches de la retraite et qui n'ont pas eu la chance de payer l'ensemble de leur, d'investir beaucoup pour la retraite. Alors, on a décidé plutôt que pendant, après 10 ans, une personne qui a cotisé 10 ans pourrait avoir une pleine rente. En d'autres mots, sa rente était payée par les gens qui étaient encore actifs. C'est ce qu'on appelle le financement par répartition, et tous les régimes publics au monde sont financés comme ça. Actuellement, on est en train de dire que, et c'est ça qui m'écœure, c'est pour ça que j'ai écrit l'article, que les jeunes ne peuvent plus compter sur les régimes publics, sur la contribution des personnes qui vont être actives au moment où eux vont être plus âgés. Et qui doivent épargner l'ensemble des montants qui sont nécessaires pour financer leur retraite. C'est alors, oui. On leur demande encore de financer pour l'argent, les pensions pour les personnes qui sont déjà à la retraite, mm-hmm. mais on leur demande aussi de financer 100% ou presque de leur propre rente. Oui. Donc, il y a un problème de solidarité, là. Oui. Et c'est un bris du contact qu'on a fait en 1965, où on a dit c'est les personnes qui étaient déjà proches à la retraite, eux, ils ont bâti le système de santé, ils ont bâti le système d'éducation, ils ont effectivement investi dans les jeunes, et donc c'était le temps pour les jeunes aussi de retourner ça pour les personnes âgées. Mm-hmm. Et les jeunes à l'époque étaient d'accord pour faire ça, parce qu'ils savaient que quand eux, ils allaient être à la retraite, les jeunes d'alors, les personnes encore actives, vont aller les payer pour leur pension. Oui. Aujourd'hui, au nom de l'équité intergénérationnelle, on dit aux jeunes, non, vous pouvez plus compter sur les personnes plus jeunes que vous, il faut que vous financiez l'ensemble de votre retraite. Oui. Par l'épargne plus individuelle que collective. Bien, c'est ça. D'abord, il y a déjà eu des coupures importantes dans le régime de rente du Québec. Et le gouvernement fédéral a annoncé qu'ils allaient retarder l'âge pour recevoir la sécurité de vieillesse. En plus, la sécurité de vieillesse n'est pas financée, n'est pas indexée à la croissance économique. Elle est indexée seulement au coût de la vie, mm-hmm. ce qui veut dire que relativement, sa part va être de plus en plus petite. Alors, on est en train de porter atteinte au régime public et en même temps, on impose aux jeunes l'obligation de mettre de l'argent dans un RVER ou un REER. Oui. Et c'est une façon extrêmement inefficace pour épargner. Oui. Parce que, d'une part, chacun individu doit gérer ses fonds et il doit protéger le capital. Donc, il faut qu'il paye des frais d'administration très élevés. Mm-hmm. Les frais d'administration pour le REER sont entre 2 et 2,5%, alors qu'au régime des rentes du Québec, c'est moins d'un demi%. Ouais. Donc, ils payent les institutions financières. Et en plus, ils doivent choisir des portefeuilles qui sont conservateurs et donc qui ont des taux de rendement faibles. Mm-hmm. Alors que quand tu épargnes collectivement, tu payes des, tu peux avoir une gestion professionnelle, mais tu peux surtout avoir un portefeuille équilibré. Et tu peux avoir un portefeuille qui est équilibré même quand vous êtes âgé. Mm-hmm. Parce que dans un régime collectif, que ce soit le régime public, et surtout quand c'est le régime public, tu as des gens de tous les âges. Oui. Donc, tu peux te permettre d'avoir une part, tu sais, 25-30% de revenus, des obligations de qui ont des revenus faibles, mais qui sont stables. Mais tu peux aussi aller dans les marchés qui ont des rendements beaucoup plus élevés, mais qui sont volatiles. Alors, c'est l'ensemble de la population qui absorbe cette volatilité. Ce qui est paradoxal, c'est que il me semble qu'après la crise financière de 2008, on aurait dû se méfier de cette tendance à vouloir aller vers l'épargne individuelle alimentant les marchés financiers. Je me trompe? Mais c'est en partie ça. Mais c'est aussi toute la notion que les régimes publics aussi doivent être capitalisés. Et l'idée que quand on va vers des régimes individuels ou même des régimes d'entreprise, on cumule de plus en plus d'argent. Mais c'est pas vrai que la société a nécessairement besoin de beaucoup d'épargne. Non, d'ailleurs, si je me permets, en passant, Éric Pinault, lui, soutient que l'un des problèmes qu'on vit actuellement, c'est qu'on épargne beaucoup, mais on investit peu l'argent qu'on épargne du côté des entreprises. Ça aussi, c'est paradoxal. Ça, dans les années 30, avec la théorie de Keynes, on aurait dû comprendre que l'épargne n'est pas nécessairement bon s'il n'est pas, il n'y a pas une contrepartie dans l'investissement. Mm-hmm. Alors, actuellement, avec la monopolisation des industries, il y a de moins en moins d'entreprises dans chaque domaine, donc de moins en moins de possibilités d'investir. Oui. Et donc, on cumule assez les gens qui ont beaucoup de capital, les riches, puis les régimes de retraite aussi. Ouais. Ils font plus la spéculation sur les marchés boursiers puis les marchés immobiliers que le vrai investissement. Et donc, on a des éclatements de bulles de façon répétée, ouais, et chacun de façon de plus en plus intense. Mmh. Et pourtant, les gouvernements ne comprennent pas. Ils font ce que les institutions financières demandent. Ils forcent les gens à mettre l'argent dans les institutions financières, oui, et alimentent les bulles spéculatives. Oui, tout à fait. Entre-temps, les institutions financières sont les seules qui font des gros profits. Oui. Et puis, on a vu aussi qu'ils sont tellement avares que souvent, ils investissent dans des choses qui sont aucune sécurité. Ouais. Et puis, on a des faillites de banques ou des... Oui, on a même la Caisse de dépôt qui a perdu beaucoup d'argent parce qu'elle a investi dans les fameux... Aussi, c'est-à-dire que c'est la décision au début des années 2000 de Henri-Paul Rousseau de dire, mais on ne va plus regarder le développement économique du Québec, on va juste chercher à maximiser le rendement. Mais c'était le rendement à court terme et il a investi dans des... Les produits toxiques. Là, les PCAA, sans savoir même dans quoi les gens investissaient. Oui. Et c'est toutes les hypothèques toxiques aux États-Unis aussi. C'était les banques qui disaient, on a cet argent, il faut qu'on le prête. On va le prêter à des gens qu'on sait ne seront pas capables de le repayer. Oui. Mais on va se avoir des livres, des hypothèques qui ont des taux de rendement élevés. Oui. C'est des boules qui s'éclatent. Oui. Dites-moi, il reste environ 2 minutes. Est-ce qu'il y a quand même des pays dans le monde qui ont maintenu des régimes par répartition? Est-ce qu'on peut se comparer à d'autres? À peu près tous les régimes publics partout sont financés par répartition. OK. Il y a 2 pays où ils ont fait un peu comme nous, pour dire que l'argent des régimes publics devrait aussi servir pour le développement économique. Mm-hmm. Et ça, c'est la Suède et le Japon. Oui. D'accord. Alors, donc, c'est la notion des caisses de dépôt est très intéressante parce que la vraie prospérité pour les jeunes qui vont être à la retraite plus tard, c'est d'avoir une économie prospère. Mm-hmm. Et notre argent public devrait servir pour développer l'économie du Québec. Oui, tout à fait. Surtout qu'on a un virage écologique important à prendre et on pourrait en profiter justement pour favoriser l'investissement dans les nouveaux types de production. Bien, merci beaucoup, Mme Rose, de ces explications. Souhaitons que les visiteurs, que les auditeurs, pardon, aient le goût d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes, outre l'article, évidemment, dans la revue Relations? Est-ce que vous recommandez un ouvrage qui pourrait leur permettre d'aller plus loin? C'est un peu difficile, c'est un peu complexe comme question, hein? Bien, c'est-à-dire que les différents groupes autour de oui. le comité d'amour et d'autres consultations ont publié des mémoires intéressantes. Alors, allez sur les sites de la commission. C'est pas ce que le rapport d'amour a retenu, mais il y a des mémoires qui sont intéressantes, par exemple, chez les groupes de femmes, la Fédération des femmes piste. De Québec, oui. ou les syndicats, notamment la FTQ. Oui, c'est une très bonne piste. On va mettre le lien, effectivement, vers l'endroit où sont ces mémoires sur notre blog, le blog d'émission Le Grain de Sable. Merci beaucoup, Mme Rose. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Nous sommes de retour. Pour ceux d'entre vous qui se poseraient des questions, la première chanson qu'on a entendue tantôt, c'est « Le vieux train » par À la claire ensemble. Et là, on vient d'écouter une pièce de Joe Turner qui s'appelle « Red Sails in the Sunset ». On va passer à l'éditorial de Claude Vaillancourt, le président d'Attaque Québec. Son éditorial cette semaine a un lien avec le débat des chefs un peu plus tôt cette semaine. On écoute. Et de tout dans une campagne électorale, même si on le devrait autant que possible. Les journalistes et les politiciens font pour nous un tri qui se limite à quelques questions spectaculaires, aptes à attirer de bonnes cotes d'écoute et à influencer le vote. Osons tout de même jeter un coup d'œil derrière le rideau et examiner quelques-uns de ces sujets que l'on tait. Certes, l'emploi occupe une grande place dans la campagne. Dans ce domaine, on attribue au gouvernement en place le pouvoir ou l'incapacité de l'économie à créer ou non de l'emploi. Comme s'il n'existait pas une conjecture fluctuante, difficilement contrôlable par les politiciens. On blâme et on loue trop souvent les gouvernements selon les effets hasardeux de cette conjoncture. Certes, les gouvernements peuvent créer des emplois par des subventions aux entreprises, mais ceux-ci ne seront jamais nombreux. Par contre, les politiques d'austérité ont des effets directs sur l'emploi. Les coupes budgétaires des gouvernements créent un effet de ralentissement généralisé peu propice à la création d'emplois, ce que certains nomment la trappe de l'austérité. Or, nos derniers gouvernements, tant libéral que péquiste, ont adopté des budgets d'austérité dont on parle somme toute très peu et qui continuent à faire des ravages. Pourtant, les deux parties sont incapables de promettre autre chose tout en se jetant mutuellement le blâme. Les coupes budgétaires occupent une grande place dans les discours de nos candidats. Chacun s'efforce de déterminer quels seront les sacrifices à venir ou les postes à couper, alors qu'on vient d'insister sur l'importance de créer de l'emploi. Pourtant, rarement présente-t-on des solutions pour aller chercher des revenus. Celles-ci sont pourtant nombreuses. Rétablir de nouveaux paliers d'imposition pour les revenus élevés. Exiger une plus grande contribution des entreprises à la hauteur de celle qu'on trouve aux États-Unis, par exemple. Rétablir une partie de la taxe sur le capital, combattre les fuites fiscales dans les paradis fiscaux. Le référendum a soulevé beaucoup d'attention depuis le début de la campagne, mais nous appartenons toujours bel et bien au Canada et devons subir régulièrement les camouflets du gouvernement Harper. Celui-ci n'est jamais mentionné dans la campagne. Qu'est-ce que nos partis proposent pour compenser les coupes brutales dans les domaines communautaires, culturels, dans l'aide internationale et aux groupes de femmes? Comment répondre aux lois férocement antisyndicales proposées par les conservateurs? Le seul à avoir réagi en ce sens est François Legault de la CAQ pour annoncer son intention d'imiter les conservateurs. Le silence des partis équivaut à une approbation des visées libre-échangistes du gouvernement Harper. Personne ne débat de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Celui-ci transformera considérablement notre économie en donnant aux multinationales européennes un accès élargi à nos marchés publics, en provoquant une hausse importante du coût des médicaments, en accordant le privilège aux grandes compagnies de poursuivre nos gouvernements par des tribunaux spéciaux. À l'heure où on parle sans cesse de référendum, ne serait-il pas important de discuter de cette perte majeure d'autonomie? L'éducation semble une des grandes oubliées de la campagne électorale. Où en sont les débats sur l'accessibilité qui ont bouleversé le Québec en 2012? Pourquoi ne parle-t-on pas de l'assurance qualité, débat majeur en éducation, qui est en train de transformer l'éducation supérieure en un modèle formaté et ouvert à la commercialisation? La question de l'éducation doit certes aller plus loin que couper des postes de certains fonctionnaires, comme on l'a entendu au débat des chefs. Presque rien n'a été dit sur la culture, qui concerne 30 000 artistes répertoriés et 160 000 travailleurs de la culture, et qui contribue si bien à définir notre identité. Comment permettre à ce secteur de mieux respirer, de mieux vivre, de conserver son dynamisme? Mystère. La déclaration la plus spectaculaire concernant la culture est venue de l'ineffable François Legault, qui a eu la brillante idée de couper le financement d'un de nos plus grands artistes et les plus respectés à l'étranger, Robert Lepage. Il y a bien sûr d'autres choses encore. L'épineux problème du lobbying et des portes tournantes, la destruction de nos forêts et de notre environnement, la surproduction d'électricité qui nous coûte très cher, et j'en passe. Mais il faut bien s'arrêter quelque part. Vous me direz, oui, bien sûr, il y a Québec solidaire qui ose régulièrement aborder ces questions. Mais on aimerait bien que les deux grands partis qui aspirent à prendre le pouvoir, pétris de bonnes intentions, nous donnent de franches prises de position sur ces sujets. Le grain de sable d'attaque... Voilà, nous sommes de retour au grain de sable d'attaque Québec. De très bonnes questions posées, de très bonnes observations faites par Claude Vaillancourt, le président d'Attaque Québec. Je sais pas si, comme moi, vous avez écouté le débat des chefs jeudi soir, mais effectivement, il y a un certain nombre de questions qui n'étaient pas au rendez-vous. Et pourtant, il faudrait bien, pour pouvoir choisir le gouvernement qui va nous diriger au cours des prochaines années, il faudrait bien avoir de la part des partis politiques des réponses à ces questions. Je reviens sur le dossier relation, le dossier de la retraite, une responsabilité collective, c'est un dossier qui vient, la revue Relation, c'est le numéro mars-avril 2014, ça vient tout juste de sortir. Vous pouvez vous le procurer en principe dans tout bon magasin qui vend des revues, des journaux. Catherine Vaillancourt, Catherine Caron signe en introduction, un billet qui s'intitule « La retraite, une responsabilité collective ». Et je vais la citer, elle dit « Or, avant d'être un problème ou encore un marché, comme ose la présenter la Régie des rentes du Québec elle-même, la retraite est un droit conquis de chaude lutte qui, pour se concrétiser, dépend du contrat social que nous choisissons collectivement de nous donner. Elle découle d'un pacte, par ailleurs, de plus en plus trahi par les élites politiques et économiques. » C'est exactement ce que nous disait Ruth Rose tantôt. Il y a d'autres articles intéressants dans ce numéro, dans ce dossier relations sur la retraite. Il y a Yannick Marcille qui signe un article intitulé Yannick Marcille, hein, qui fait une chronique à chaque mois sur les utopies concrètes ici à l'émission Les Grains de Sable, qui signe un article intitulé La privatisation du contrat social. Il y a Evelyne Couturier qu'on devrait, je crois, entendre au mois de mai, si j'ai bonne mémoire, qui qui est de l'Iris, qui signe, l'Iris qui fait chaque mois aussi une chronique dans le cadre de notre émission, qui signe un article intitulé « Le modèle néerlandais ». Ensuite, il y a une entrevue avec Maxime Lefrançois qui s'intitule « L'industrie financière au cœur des retraites ». Il y a Gilles Bourque, tiens, on parlait avec Ruth Rose tantôt d'une belle source pour aller plus loin, pour s'informer davantage, qui est le site du rapport de la Commission d'amour, le site de la Commission d'amour où il y a différents mémoires qui sont disponibles encore et qu'on peut retrouver, comme je l'ai dit tantôt, on va mettre le lien sur notre blog un peu plus tard dans la journée. Le blog, c'est legraindesableqc.wordpress.com. Alors, donc, Gilles Bourque et Frédéric Anin signent un article intitulé « Le rapport d'amour de mauvaises solutions ». Ruth Rose, « Les femmes et la retraite » et « Revenir à la solidarité intergénérationnelle ». C'est deux articles différents. On avait déjà jasé, d'ailleurs, de cette question des femmes et de la retraite avec Ruth Rose à l'émission « Les grains de sable » il y a 2 ans. Et là, c'était intéressant de voir son point de vue sur cette notion d'équité et de solidarité intergénérationnelle. Et finalement, le dossier se termine par Michel Lisée qui présente un exemple de régime novateur. J'en dis pas plus long, vous irez lire ça. « Relations ». Le numéro 771, avril 2014. On s'en va en musique jusqu'à la pause publicitaire. À plus tard. Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais... Grande fête radiophonique sera présentée par La Barberie. Je ne sais pas ce que je fais ici. La boîte à pain Café Napoli. Je ne sais ni d'où je viens, ni où je vais. Le Bal du Lézard et l'Hôtel Château Laurier. Ne manquez pas cet événement unique, les 4, 5 et 6 avril. Plus ça va, moins je comprends. Nombre de Québécois ont compris et ils vont agir. Répétez après moi le plus rapidement possible. Suis-je bien chez Serge? Suis-je bien chez Serge? Suis-je bien chez Serge? Suis-je bien chez Serge? Suis-je bien chez Serge? Suis-je bien chez Serge? Ah! 20 ans, 20 piastres. C'est plus facile. La campagne annuelle de financement de Premier Acte souligne 20 ans d'activité. Vous êtes invité à vous remémorer le passé et contribuer à son avenir une piastre par année. C'est pas cher pour que ça continue. Contribuez sur campagne20ans.com. 418-694-9656. C'est le grand retour de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Cette nouvelle mouture regroupe des musiciens ayant participé à l'ancienne Ligue, de même que des recrues issues de la scène musicale de la ville de Québec. À chaque rencontre, 2 équipes de 4 musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 14 avril à 19h30, alors que l'équipe Le Cercle affronte Les Verts. 12$ à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. Si vous êtes ou connaissez une victime de maltraitance, même si ça semble difficile, il faut dénoncer son agresseur. Au Canada, près de 10 % des aînés ont été victimes d'un acte de maltraitance et pourtant ce n'est qu'une personne sur 5 qui dénonce. Pour régler un problème, il faut avouer qu'il existe. Contrer les abus envers les aînés, une question de dignité. Un message financé par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada. oublie-moi avant qu'il ne soit trop tard. On ne m'oublie pas au fond du verre du fond d'un bar. La vie m'aime est trop courte. Mon amour, fais-moi la courte. 89.1 Québec. On n'en a plus rien. Vous écoutez CKRL 89.1, cultive tes goûts. Puisqu'il faut vraiment tout pour faire un peuple, les héros comme les fiottes, le soleil comme la flotte. Profite. Puisqu'il faut vraiment sa bande et le navire, on va se finir. Oui, si tu... Retour à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web ckrl.qc.ca. N'oubliez pas également que bientôt, le 4 et 5 avril, c'est le Radioton et que si vous faites un don avant 17h le 4 avril, vous courez la chance de gagner le prix spécial pré-Radioton, $150 chez Le Pédalier et le prix spécial Membership, $150 chez Sillon le Disquaire. On vous invite donc à faire un don à CKRL et à devenir membre de CKRL et à suivre aussi notre radioton du fin de semaine des 4-5 avril. J'ai au bout du fil Monsieur Philippe Blackburn. Bonjour Monsieur Blackburn. Bonjour. Monsieur Blackburn, vous êtes originaire de Chicoutimi. Oui, tout à fait. Vous avez travaillé pendant 13 ans dans le domaine de l'humanitaire d'urgence. Oui. Vous avez été notamment chef de mission au Burundi et en Angola avec Médecins sans frontières. C'est oui. ça. Après 9 années de mission humanitaire effectuée dans 6 pays d'Afrique centrale et 4 ans passés au siège de Médecins sans frontières à Genève, vous êtes présentement doctorant en anthropologie de l'Université de Montréal, c'est cela? Tout à fait. Et chargé de cours aussi au département de médecine. Oui. Alors, si on calcule, depuis 1996, vous avez habité dans 8 pays différents, dont 6 en Afrique centrale, et vous avez visité plus de 25 pays, c'est ça? Oui. Et une dernière petite information qui peut être intéressante pour certains de nos auditeurs. Vous êtes rattaché à la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Le dernier numéro de la revue Relations contient un article de votre plume intitulé « L'humanitaire d'urgence et l'imaginaire néolibéral ». Quand on parle d'aide humanitaire d'urgence, on parle de quoi au juste? Ben, quand on parle d'aide humanitaire d'urgence, on parle d'abord d'une forme d'aide internationale, hein, donc qui se caractérise vraiment par une approche qui est centrée sur la victime ou sur le patient dans des contextes de crise ou dans des contextes d'urgence. Donc, c'est vraiment des interventions ponctuelles et ciblées qui sont en théorie temporaires. Donc, il n'y a pas de projet de transformation des modes de vie, il n'y a pas de on regarde pas les réductions des inégalités, on s'attaque à la conséquence d'une crise. Donc, c'est assez différent du développement. Ça peut être complémentaire. C'est souvent complémentaire. Le programme de développement ou de coopération qui, elle, regarde les causes. Mm-hmm. Et moi, ce qui questionne beaucoup de personnes, questionne de façon positive ou négative, là, mais c'est la croissance importante des organisations humanitaires d'urgence depuis la chute du mur de Berlin, dans le fond, depuis... Oui. À partir des années 90-2000, où là, de plus en plus, les budgets ont doublé tous les 3 ans, et on se retrouve avec des très, très grosses structures et de plus en plus d'interventions d'urgence qui s'étalent dans la durée. Il y a des camps de réfugiés qui sont là depuis 25 ans, qui sont gérés sous le mode d'urgence, alors que c'est des trucs qui durent depuis 25-30 ans. Donc, il y a une question à se poser à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Juste pour rendre ça encore plus concret dans la tête de nos auditeurs, il y a eu, par exemple, le séisme en Haïti. Ça, c'est de l'aide humanitaire d'urgence. Il faut absolument transporter là des médecins, du matériel pour aider les gens qui sont en situation d'urgence. Oui, tout à fait, oui. Ben, il y a eu Haïti, il y a eu récemment les Philippines aussi. Oui, c'est vrai. Oui, l'aide à Haïti a été critiquée par après. C'est sûr que l'aide humanitaire d'urgence fonctionne dans un cas comme Haïti, où il y a une quantité incroyable et très grande d'aide humanitaire qui arrive. Il y a le problème de la coordination des humanitaires. Oui, oui. qui a posé vraiment question, parce qu'à travers le système de l'ONU, par exemple, les populations locales étaient exclues des processus de coordination, qui sont des choses assez complexes. Donc, Haïti a posé disons, c'est un cas type de ce qu'on peut voir comme problème ou de certaines dérives du système humanitaire contemporain. Tout à fait. Il y a un événement qui arrive, il faut aller porter l'urgence, ou il y a une crise qui est larvée, qui a fini par éclater, comme au Darfour, par exemple. Et encore là, c'est un peu la même chose. OK. Vous parlez dans votre article d'un imaginaire binaire globalisé de plus en plus partagé. J'aimerais que vous élaboriez sur cet imaginaire. Ben, quand je parle d'imaginaire, d'abord, le problème, il y a un imaginaire catastrophiste, d'abord. Souvent, quand on travaille très longtemps dans les situations de crise, on se rend compte que la crise n'est pas toujours à l'endroit où on pense. On peut être surpris d'arriver dans un endroit où médiatiquement c'est la crise et on a un projet dans une zone plutôt pépère. Et on a l'impression que la crise est plutôt, même parfois chez moi, quand je suis revenu du Congo en 98, j'avais passé dans un petit village, je suis arrivé, j'allais voir un ami congolais dans les banlieues françaises, et les banlieues françaises, croyez-moi, étaient beaucoup plus, pour moi qui était blanc, étaient, heureusement j'étais avec une copine congolaise, mais pour moi qui était blanc, les banlieues françaises étaient beaucoup plus violentes que le Congo. Donc quand je parle d'imaginaire, imaginaire catastrophiste, c'est un imaginaire qui ne correspond pas vraiment au réel. Et parfois, en tout cas. Et dans mon texte, la façon dont je voulais l'aborder, c'est que j'ai commencé à prendre conscience, j'ai pris conscience tranquillement, mais comme tout le monde, mais à partir de 2004, j'étais chef de mission au Burundi, et je me suis rendu compte que mon budget, le budget de mon organisation, Médecins sans frontières, était le double du budget du pays, et en même temps, du budget du pays pour la santé, bien sûr. Et en même temps, j'allais chaque jour, chaque matin, dans le bureau de coordination des Nations Unies, on était une cinquantaine d'ONG, et on sait, certaines personnes, dont le gouvernement, nous disaient, vous êtes un gouvernement parallèle. On n'avait pas la puissance nécessairement décisionnelle, mais on avait une puissance financière très, très forte. Et on se trouvait, à prendre des décisions non démocratiques. On était complètement extérieur au gouvernement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup posé question. Sans accuser les humanitaires, j'en faisais partie. Ça explique le malaise dont vous parlez dans l'article. Oui, c'est un malaise. C'est un malaise que j'éprouvais, qu'on est certains éprouver. Et en même temps que j'éprouvais ce malaise-là, en même temps que je voyais une forme dont on était un groupe extrêmement puissant, dit humanitaire, mais dans le fond, on coordonnait à la fois la santé, l'eau, l'éducation, on était une forme de gouvernement parallèle, tous une bande de blancs, une cinquantaine de chefs d'ONG, et en même temps que je voyais qu'on était qu'on participait à des formes de décision démocratique, en même temps, je voyais mes amis burundais, les journalistes, les médecins, qui ne pensaient qu'à une chose, c'était quitter le Burundi. Et l'OMS, d'ailleurs, depuis 2005, s'inquiète beaucoup de ce qu'on appelle la fuite de cerveau, la fuite du personnel médical. Il y a, par exemple, plus de médecins du Malawi qui sont à Manchester, chauffeurs de taxi ou autres, qu'habitants de médecins au Malawi. Donc, lorsque je parle d'imaginaire global, je parle aussi de ces inégalités structurelles criantes dans lesquelles nous sommes tous pris, qu'on le veuille ou non. Là. Donc, que ce soit les Burundais ou nous ici, qui buvons du thé et du café du Burundi, alors que là-bas, ils boivent du thé Lipton parce que le thé qu'ils produisent arrive chez nous. Donc, voilà. Vous parlez aussi, on va avoir l'occasion de revenir sur ce phénomène des médecins, des infirmières qui viennent de plus en plus dans nos pays. Vous parlez d'un imaginaire binaire globalisé de plus en plus partagé. J'aimerais que vous élaboriez davantage sur cet imaginaire binaire. Quand je parle d'imaginaire binaire, ce que je veux dire, c'est qu'on est tous maintenant on est réduit au rôle de producteur-consommateur. Je reviens à cet exemple de thé-café. Et la fuite des cerveaux, vous avez, ouais, vous stiquez un peu sur le binaire. Je veux juste dire qu'on est vraiment on est réduit au rôle de producteur consommateur. Et lorsqu'on est en dehors de ces deux catégories, on est des exclus sociaux. Mm-hmm. Et les exclus sociaux actuellement sont de plus en plus pris en charge par des organismes humanitaires, par exemple, et de façon technocratique. Et ça pose quand même problème. Donc il y a une, moi je questionne à la fois cet imaginaire globalisé qui ne laisse place dans le fond qu'à ceux qui produisent et consomment. Oui. Et je me rends compte aussi que, et je questionne, est-ce que le système humanitaire ne participe pas, vu sa puissance maintenant et son imaginaire extrêmement prégnant. Moi, mes étudiantes en médecine, ils veulent tous celles qui veulent s'engager socialement, ils veulent partir sur l'humanitaire. Les autres, ils vont être médecins. Ici, c'est très bien, mais ouais. L'engagement social des jeunes est souvent porté vers l'extérieur, et je me rends compte que, paradoxalement, les jeunes Burundais que je vois ne pensent qu'à fuir le Burundais, ou je parlais à quelqu'un qui revenait de Philippines, qui faisait des entrevues, il me dit, mais j'ai fait 200 entrevues, ils veulent tous quitter, et aux Philippines, les gens qui sont éduqués ont quitté, beaucoup ont quitté le pays, donc on se retrouve avec une forme d'inégalité qui pose énormément de problèmes. Et la réponse humanitaire, qui est très très très bien lors des grandes crises, comme ce qui se passe au Centrafrique actuellement, pose question si c'est notre seule façon de répondre à ces inégalités structurelles globales. Oui, tout à fait. Parce que dans le fond, l'économie des pays dits en voie de développement est en profonde transformation. Les gens doivent quitter les campagnes ou en tout cas ils sont embauchés par des multinationales pour produire. C'est un peu ce que vous avez vu sur le terrain. Ben, c'est-à-dire ce qu'on voit sur le terrain, oui, bien sûr, il y a des au Congo, par exemple, il y a des minières, il y a des on le voit pas, on n'est pas nécessairement témoin directement d'une compagnie minière qui chasse les paysans. Mm-hmm. Ce que j'ai vu au Cameroun, par exemple, clairement, les compagnies forestières qui s'accaparent toutes les ressources, les Camerounais que je voyais n'avaient même pas le droit d'avoir accès à la forêt, c'était complètement du bois. Ça m'a vraiment surpris, j'allais là pour une intervention d'urgence. Oh, oui. Et j'étais une intervention d'urgence des réfugiés centrafricains, c'était pas du tout camerounais, mais j'étais énormément choqué. Les routes étaient très belles, je me disais, comment ça que les routes sont si belles? Ils étaient remplis de camions de bois qui allaient au port. Mon staff camerounais me disait, on n'a même pas le droit d'aller en forêt. Donc en effet, les gens chassaient des terres, grossissent les bidonvilles, et donc il y a une forme de pour une économie qui sert surtout Et là, dans le cas du Cameroun, pour le bois, ça sert à l'économie du Nord. Mais en effet, dans une ce que j'appelle, moi, un rapport au lieu, une crise d'habitation très, très sévère aujourd'hui. On n'habite plus le monde, on l'exploite. Oui. Ce qui fait que je trouve qu'à travers cette notion de crise d'habitation, on peut comprendre un peu les dérives qu'on perçoit dans l'humanitaire d'urgence lorsque l'humanitaire prend toute la place. Oui. Vous allez même jusqu'à établir une parenthèse, on a évoqué tout ça, mais entre l'aide humanitaire d'urgence et le néolibéralisme, c'est quand même provocateur comme rapprochement. Mais non, c'est une parenthèse qui est réelle. Hein. D'abord, oui? Quand je dis ça, je n'accuse pas nécessairement, je fais juste un constat pour affiner la compréhension de notre époque. Oui. Médecins sans frontières, par exemple, en 1985, était ouvertement néolibéral. Médecins sans frontières a démarré la fondation Liberté sans frontières. Vous pouvez aller sur Internet, regarder le livre Tiers-mondisme en question, regarder à l'endos du livre Les multinationales, point d'interrogation, le tiers-monde a besoin d'elles. Ce que le constat de Ronnie Broman, qui était président de Médecins sans frontières à l'époque, c'était que la majorité des victimes provenaient du totalitarisme communiste. Okay. Et il y a eu une espèce de, bon, le communisme, ça marche pas, et là, il y a eu une espèce de virement idéologique très fort, clairement idéologique. Après, ça s'est complètement, Ronnie Broman, qui est quelqu'un de très lucide, n'a plus du tout ce discours aujourd'hui, heureusement, mais en 85, il y avait vraiment une parenté idéologique, en gros, la prise en charge socialiste, communiste, démocratique, bon, démocratique peut-être pas, mais la prise en charge communiste est catastrophique. Et donc, les multinationales, c'est bien, et quand il y a des catastrophes, les humanitaires, on s'en va intervenir. Là, je caricature un peu. Mm-hmm. Mais il reste qu'en 85, c'était ça. Action contre la faim tenait le même discours, était aussi lié à ce truc Liberté sans frontières, fondation. Et quand on regarde le fonctionnement concret aujourd'hui, une ONG fonctionne comme une multinationale. Il y a des similitudes dans la pratique. C'est privé, ça se substitue à l'État. Dans l'imaginaire, ça ne tient compte que des individus. Et si on regarde qu'est-ce qu'est le néolibéralisme, c'est-à-dire la remise en cause des formes de protection sociale et la promotion de l'économie de marché au nom de la liberté de l'individu, ben on s'apparente à quelque chose de c'est très près. Je veux dire, c'est très près au niveau. Après, faut vraiment creuser, hein, en disant ça. Je suis pas en train de tout dire. Que... Oui, oui. Mais j'ai envie d'ajouter au fond. Comment dire, c'est de l'argent qui vient d'ailleurs pour régler des problèmes conjoncturels. Oui. Il y a d'autre part les multinationales qui, elles, paient à peu près pas d'impôts au gouvernement en question. Oui. Donc, la solution, puis j'aimerais qu'on passe là-dessus pour le reste de l'entrevue, la solution, ça serait que les gouvernements soient mieux pourvus pour pouvoir d'eux-mêmes développer l'économie, développer le social, développer le culturel pour la société. Oui, la solution, c'est assez complexe. Hein. Je pense qu'avant de parler de solution, il faut que les gens, tout le monde, un peu tout le monde, ça se fait tranquille, ça se fait de plus en plus hein, depuis une dizaine d'années, mais que les gens fassent l'épreuve de l'impasse civilisationnelle mondiale dans laquelle nous sommes tous. Parce que c'est facile de dire au Burundi, ben développez-vous, tout ça, mais si tout l'imaginaire est à l'international, si tous les gens rêvent de l'American Dream, si tous les gens veulent une maison à Hollywood, ou là, je veux dire, oui, oui. Personne ne va vouloir développer le Burundi. Le Burundi, il y a un ancrage. Quand je parle de crise d'habitation, c'est ce que je veux dire. Le Burundi, ce n'est pas les États-Unis. Il y a 300 000 habitants au kilomètre carré. Ce n'est pas le Canada où on est 3 habitants au kilomètre carré. Donc, on a tous des spécificités, mais avec un imaginaire commun global, c'est extrêmement difficile de dire localement, développez-vous, même si, bien sûr, la solution est là, mais il faut, pour ça, nous, accepter de baisser, que notre niveau de vie baisse aussi. On a tous, je vous parle actuellement, j'ai des pantalons, des chandails, une chemise, c'est tout, presque tout est fait peut-être par des esclaves au Bangladesh, des esclaves, en tout cas des gens très très exploités au Bangladesh. C'est sûr que la solution, si solution il y a, ça serait dans une forme de localisation, de relocalisation de l'économie. Mais le mouvement est en branle depuis plus de 300-400 ans, en tout cas 200 ans clairement, le mouvement de la mondialisation. Oui, on ne voit pas qu'il va se terminer, hélas. Voilà, donc il faut essayer d'être lucide avant de parler de civilisation, plutôt que... Et je pense que c'est vraiment en voie, je veux dire, les gens de plus en plus, même s'il n'y a aucune solution concrète, et même tout le monde parle d'écologie, et tout le monde va faire son petit voyage à Cuba, puis ça va avec ses vacances de ski au Québec, par exemple, mais... Donc on est des consommateurs producteurs et il y aurait un autre imaginaire devrait voir le jour, mais la solution pragmatique comme ça elle est assez complexe. Eh bien, on va se laisser là-dessus, Monsieur Blackburn. Merci beaucoup. Souhaitons que les auditeurs commencent déjà à réfléchir à ce que pourrait être un autre imaginaire pour amener un meilleur développement à travers le monde. Ben merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ça se passe quand il se passe qui... accidentané de faire son bruit, son cri a retenti partout où il est passé. Y'a personne qui l'a pas compris. Il faut bientôt plus de bruit. Y'a pas mal fatigué d'avoir tant voyagé. Pour lui c'était pas travailler. J'espère qu'au moins au bout du chemin, y a une place pour les bons vieux chiens qu'on n'a pas. Nous sommes de retour au Grain de Sable. Bonjour, Michael. Oui, bonjour, Michel. Oui, ça va bien? Très, très bien. Je trouve une très belle journée. J'aime la neige, donc. Oui. Alors, donc, tu vas nous parler des événements en cours de l'agenda progressiste pour cette semaine. Oui, des activités pour cette semaine. Je vais aller vite. D'abord, je m'excuse à l'avance pour les événements que je ne vais pas nommer, puisqu'il y en a vraiment plusieurs d'intéressantes, des activités très intéressantes. Vous pouvez les découvrir sur le médiaréseauforum.org pour avoir tous les détails. Oui. Mais ce lundi, 24 mars, il y en a plusieurs, j'en nomme deux rapidement, qui ont lieu en soirée. Projection du documentaire « Ce qu'il reste de nous », vous en avez peut-être déjà entendu parler, en présence d'Hugo Le Tulipe lui-même. Oh. L'intérêt de cette projection, qui est organisée par Spirofilm. C'est un documentaire choc sur la situation des Tibétains. Entrée libre, c'est au cégep Limoilou, salle Sylvain Lelièvre, 19h ce lundi. Aussi ce lundi à 19h. Si vous préférez, il y a un débat électoral sur l'enseignement supérieur avec des représentants, représentantes de 6 des partis politiques présents aux élections. 6. Donc ça, c'est au grand salon du pavillon Pollack ou Desjardins, si vous préférez, à l'Université Laval. Ouais. Mercredi 26... de déchets à carburant, des solutions chimiques. Donc, c'est le professeur Frédéric Fontaine, qui est membre des chimistes pour l'environnement, qui va nous expliquer comment nos déchets pourraient devenir de l'énergie. Donc, ça, c'est à midi, pavillon Alexandre Vachon, salle 2840. Jeudi 27 mars, on a une grande table sur le thème de l'itinérance. Donc, c'est très intéressant. Oui. C'est à 13h au Tam Tam Café. Tam Tam Café, je vous rappelle, c'est l'intersection boulevard Langelier, boulevard Charest. C'est organisé par l'engrenage Saint-Roch, en conjointement avec le regroupement pour l'aide aux itinérants et aux itinérantes de Québec. Donc ça, c'était, jeudi 27 mars. Mm-hmm. Maintenant, ce vendredi, vendredi prochain, 28 mars, je vous en nomme seulement deux. À 10h, il y a un débat électoral sur la jeunesse. C'est au Tam Tam Café. Et ça va aussi être en direct sur CKRL. Donc, ce vendredi à 10h, Tam Tam Café, je vous l'ai dit tantôt, hein, boulevard Langelier, boulevard Charest, mais aussi en direct sur les ondes de CKRL que vous écoutez présentement, oui. 89,1 FM. Ensuite aussi, à midi, vendredi à midi, manifestation halte à l'austérité. Ça, c'est organisé par la Coalition pour la justice sociale de Québec Chaudière-Appalaches, donc une manifestation pour la grande région. On va dénoncer la hausse des tarifs des services publics et on affirme que les alternatives fiscales, c'est-à-dire que dans le fond, on dit qu'il y a beaucoup d'argent qui circule, c'est pas réellement nécessaire de puiser uniquement dans les poches des gens les moins riches. Donc ça débute au centre Lucien Borne, qui est le 100 chemin Sainte-Foy, pour se rendre à l'Assemblée nationale. En fin de semaine prochaine, il y a deux grands événements que je vous invite à noter. Vous pourrez voir tous les détails sur Internet. Mais il y a Vue parallèle, c'est-à-dire Journée de cinéma LGBT de Québec. LGBT, donc, c'est pour la diversité des orientations sexuelles. Ça, c'est au cinéma Quartier. Donc, on a une quinzaine de films et deux conférences. Donc, Vue parallèle. Et deuxièmement, je vous nomme aussi Expo Manger Santé et Vivre Vert, très intéressant aussi. En plus des exposants, on a plusieurs ateliers et conférences. Ça va être au Centre des congrès de Québec. Donc, si vous voulez toutes les informations sur ces activités et les autres que j'ai pas nommées, allez sur le site réseauforum.org. Bien, merci beaucoup, Michael. Comme chaque semaine, il y a plein de choses intéressantes que les gens peuvent faire dans la région de Québec. Merci, au revoir, à la prochaine. Au revoir. C'est ainsi que s'achève l'émission Le Grain de Sable. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de l'émission de cette semaine. On a Michael, on a Frauque à la mise en onde. On a Michael Lessard qui nous parlait il y a quelques instants. Merci aussi à Madame Ruth Rose qui nous a parlé d'équité, mais aussi de solidarité intergénérationnelle en lien avec le système de retraite. Merci à Philippe Blackburn qui nous a amené à nous interroger sur l'aide humanitaire. Hein. C'est effectivement des questions que moi-même je me pose et qu'il faut se poser. L'aide humanitaire qui prend de plus en plus de place dans un monde qui aurait peut-être besoin de trouver des solutions alternatives au développement pour éviter, pour que les gens puissent chacun dans leur coin du monde se prendre en charge eux-mêmes. Je rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL, ckrl.qc.ca, et sur notre blog legrainsableqc.wordpress.com, où vous trouverez également le lien vers nos différentes plateformes. J'allais oublier de remercier Claude Vaillancourt, le président d'Attaque Québec, qui nous a fait un éditorial, comme chaque fois, fort pertinent en lien avec le débat des chefs et les sujets qui auraient dû être abordés et qui ne le sont pas et qui risquent de ne pas l'être, malheureusement, d'ici le 7 avril. Vous disposez de plusieurs possibilités pour nous faire part de vos commentaires, suggestions et opinions. Ça nous ferait grandement plaisir de vous lire. On se retrouve samedi prochain à compter de 13h pour une nouvelle émission du Grain de sable d'Attaque Québec. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Demeurez à l'antenne pour l'émission qui suit, Les Geeks contre-attaquent, sur les ordres de CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts. Nous assez grands pour l'atteindre, car depuis des millénaires, aucun dieu, aucune prière n'a réussi à briser la guerre, aucun homme sur la terre, aucun homme, égyptien, grec et romain, russe, anglais, américain, tous les empires militaires semblent être mal nécessaires. C'est toujours la même histoire, toujours un peu plus de pouvoir, des morts, pour un monde illusoire, la misère planétaire. Est-ce un mal nécessaire? Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Faites un don pré-radioton de 20$ et plus ou achetez dès maintenant votre carte de membre de CKRL au coût de 25$ avant le vendredi 4 avril 17h et vous pourriez gagner le prix pré-radioton ou le prix membership d'une valeur de 150$. Adhérez ou faites un don en téléphonant au 88 640 2575 ou en ligne sur ckrl.qc.ca ou bien venez au 405 3e avenue à Limoilou. Encouragez votre radio préférée. SNL Québec, c'est exclusif. C'est en direct. Et c'est à Télé-Québec avec Stéphane Rousseau. Avec l'équipe de Comédie Maison, ratez pas ça, c'est SNL. It's gonna be wild and crazy. Version québécoise de Saturday Night Live. SNL Québec avec Stéphane Rousseau. À Télé-Québec. Ce soir, 21h. Le printemps arrive à grands pas et c'est le moment idéal pour remettre votre guitare en ordre. Le 22 mars, Musique Richard Gendreau, en collaboration avec l'École nationale de lutherie de Québec, vous propose de changer les cordes de votre guitare pour seulement 10$, cordes et installations incluses, par un finissant en lutherie. Pour chaque pause, 5$ seront remis à l'organisme Jeunes musiciens du monde. Le 22 mars de 10h à 16h chez Musique Richard Gendreau au 634 boulevard Charest. Détails sur musiquerichard.com ou sur notre page Facebook. Quand la relation se termine, la personne est souvent plus vraiment dans ta vie, mais j'ai l'impression qu'il y a tout le temps une ombre qui est comme une espèce de trace qui reste en toi parce que t'as passé X années avec elle. Puis quand vos ombres s'allongeront au-dessus de nous, nous serons des éponges qui garderont tout de vous. Antoine Corriveau et son souffle ininterrompu à Sentier Secret, mardi 25 mars, ETSA. présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Samedi le 22. Le 22 mars. Oui, je me disais le souvenir du mois. Je regarde dehors puis on dirait que c'est novembre. Allez, on va pas parler de météo, s'il te plaît. Là, mon Facebook en est plein. Alors,